Donne-moi, donne-moi une pause, j'ai besoin de penser. T'es tanné de ta vie, tu veux t'en aller. Mais moi je te dis, party, tu n'es pas le seul. Pardon à ces pays qui vivent l'enfer, qui font tout pour manger du riz. Y'en a qui sont dans des mauvaises conditions. Mais dans ta tête, oui, tout est noir, c'est pour ça que tu t'offres le soir à pas dormir pour pas faire de cauchemar. Non. Il est jamais trop tard, prends ton temps, tu vas finir par y croire. À ta vie, oui, c'est moi qui te le dis. Perds de multiples expériences, parce que t'as qu'en face à l'ange, parce que t'as pas conscience, tu as trop de patience. Laisse-toi du temps, pique séance pour réfléchir que tu te fais mal, c'est le pire. Y'a rien au fond de toi qui viendrait te défoncer le cœur. Yeah, yeah. Laisse tes problèmes dans l'oubli. Une nouvelle année, c'est parti. Fuck tous les artistes to face. Je pense qu'ils t'ont assez blessé. T'as hâte que la semaine finisse? Pis aimais pas commencer. Moi, je te le dis qu'on s'en calisse. Monte pas en haut de l'édifice pour te tuer, mais malgré toi, tu te respectes plus que tu le penses. Tu n'es pas une grosse vidange, tu es de toi ton propre archange. Je trouve ça vraiment étrange que tu songes à l'avalanche. Des années de malheur sur toi sont écroulées, t'as vu ta vie défiler. Tu n'es plus sûr de tes études, t'as le goût de gagner ta vie. Pis d'écrire, c'est t'offrir ce que t'as toujours rêvé. Le rêve de vivre chez toi avec une femme pis un bébé. La vie de luxe, soin, ça se gagne. Mais il faut mettre ben des efforts. Va falloir te faire un coffre fort. Besoin de renfort. Tu voudrais du réconfort. C'est la chaleur des femmes qui t'endort. Tant qu'à se geler pis se droguer, t'aimes bien mieux dormir collé fort. Parce qu'il fait frette en hiver, c'est le temps de la dépression. Mais t'es un homme comme tous les autres. On a tous un but, mais le tien serait de faire forger en toi une diminution de colère. C'est vraiment dur de le faire, mais tu files trop en calvaire. T'as un mauvais budget monétaire. Tu commences à peine à t'en sortir, juste à ta tête à guérir. Ce que tu voudrais, ça s'explique pas trop en chanson, mais tu viens de le dire pareil, ça fait que vise tes buts, pis recale pas vers le fond. Yeah. Tu veux du succès? Tu veux du sexe? Tu veux vivre dans tes affaires? Tu veux finir tôt l'hiver? Mais fuck tous ces cons, mais fuck toutes ces connes. Tous ces gens qui veulent te changer pour que tu recales profond. Yeah. Angry Sam. 2020. Yeah, yeah.